Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi Descartes a-t-il écrit le discours de la méthode et pourquoi s'est-il décidé à le publier? Comment la physique nous permet-elle de comprendre le monde et quel rôle tient-elle dans la constitution d'une nouvelle philosophie? Et pourquoi Descartes tient-il les animaux en si basse estime, les comparant au mouvement mécanique d'une horloge? Dans 50 minutes, vous aurez réponse à toutes ces questions et vous pourrez sereinement refermer le discours de la méthode avec le sentiment d'y voir plus clair. Mais figurez-vous qu'à ce stade du discours, il n'est plus tellement question de méthode, ni de métaphysique. Non, il est question de dissection, et de dissection cardiaque. Attention, c'est un peu gore. Je voudrais que ceux qui ne sont point versés en l'anatomie prissent la peine, avant que de lire ceci, de faire couper devant eux le cœur de quelque grand animal qui ait des poumons, car il est en tout assez semblable à celui de l'homme, et qu'ils se fissent montrer les deux chambres ou concavités qui y sont. Premièrement, celle qui est dans son côté droit, à laquelle répondent deux tuyaux fort larges, à savoir la veine cave, qui est le principal réceptacle du sang, et comme le tronc de l'arbre, dont toutes les autres veines du corps sont les branches, et la veine artéreuse, qui a été ainsi mal nommée pour ce que c'est en effet une artère, laquelle, prenant son origine du cœur, se divise, après en être sortie, en plusieurs branches qui vont se répandre partout dans les poumons. Puis, celle qui est dans son côté gauche, à laquelle répondent en même façon deux tuyaux, qui sont autant ou plus larges que les précédents, à savoir l'artère veineuse qui a été aussi mal nommée à cause qu'elle n'est autre chose qu'une veine, laquelle vient des poumons, où elle est divisée en plusieurs branches entrelacées avec celle de la veine artéreuse et celle de ce conduit qu'on nomme le sifflet par où entre l'air de la respiration, et la grande artère qui, sortant du cœur, envoie ses branches par tout le corps. Rabouin. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes philosophe, chercheur au CNRS, au laboratoire Sphère, sciences, philosophie et histoire, et spécialiste d'histoire et de philosophie des sciences à l'âge classique, et amateur d'Elton John ? Ouais, un petit peu. On a le droit de dire que c'est sur votre suggestion qu'on a passé, mais avec beaucoup de joie, cette chanson qui fait un écho, alors peut-être de mauvais goût, avec le texte de Descartes. Je l'ai dit, dans la cinquième partie du discours de la méthode dont on va parler aujourd'hui, on trouve alors non pas une page, on a entendu un court extrait ici, mais une quinzaine de pages dans lesquelles Descartes décrit la composition cardiaque telle qu'il l'imagine, en tout cas à l'époque. Ben oui, je pense que c'est un des intérêts de regarder un petit peu ces parties 5 et 6 du discours, qui sont moins lues, mais où en fait on voit la figure de Descartes, qui est le Descartes scientifique. Et c'est un Descartes qui, malheureusement, est moins connu, alors qu'en fait, on oublie souvent que le discours de la méthode, c'était un discours d'introduction, un certain nombre d'essais qui étaient des essais scientifiques. Mais il n'a pas pu mettre là tous ses essais. Et il y a un livre qu'il n'a pas pu mettre, pour des raisons qu'il explique justement dans cette cinquième et cette sixième partie, qui était un grand traité de physique qu'il a écrit dans les années 30, et qu'il a dû laisser sous le boisseau à cause de la condamnation de Galilée, parce que dedans il défendait, comme Galilée, l'héliocentrisme. Et dans ce grand traité de physique, il y avait toute une partie de l'anatomie. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que, en fait, Descartes, quand il était en Hollande, dans les années 30, il habitait dans le quartier des Bouchers, et avec Plempius, eh bien, il a fait toutes sortes d'anatomies, et c'est ça qu'on entend dans cette description du cœur très précise sur plusieurs pages, mais qui fait suite à toute une narration dans laquelle il a raconté les principes de sa physique. Alors, dans quelle mesure a-t-il raison? C'est-à-dire que quand même la science, à l'état, au moment où Descartes écrit, est différente de nos connaissances scientifiques aujourd'hui. Et par exemple, il parle de, pour invoquer comment l'air arrive dans les poumons, alors le principe n'est pas forcément clair pour lui. Il invoque une sorte d'esprit animal. Les esprits animaux, dit-il, ça nous paraît fantasque aujourd'hui? Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont absolument justes. Et là, on l'a entendu. D'ailleurs, la description anatomique, elle est très juste. Il voit bien le rôle des valvules, il voit bien les ventricules, il voit bien les aortes, les veines. Donc, il a quand même une connaissance anatomique très précise et très, très impressionnante pour l'époque. Il faut voir que les dissections, c'était quelque chose qui, pendant longtemps, a été interdit et puis est revenu sur le devant de la scène avec Vésale dans les années 1540. Donc, c'est, disons, un siècle avant. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est toujours des dissections d'animaux. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, du point de vue anatomique, c'est très juste. Après, il y a le problème de l'explication. Comment ça marche, tout ça? Alors, à l'époque, en fait, ce qui n'est pas très bien connu des différents auteurs qui s'intéressent à la question, c'est le rôle des poumons. Donc, ils ont bien vu que le cœur fonctionnait comme une pompe, mais ils pensent qu'en fait, le cœur régénère le sang par lui-même, et que c'est ça qui fait passer entre le sang veineux et le sang aortique. Alors ça, évidemment, nous, on sait que c'est faux. Mais pour le reste... C'est la circulation sanguine, en fait. Circulation sanguine, ça, il le voit très bien. Et en fait, il y a tout un passage dans lequel il parle des découvertes de Harvey, qui sont juste avant lui. Donc le fait que le sang circule de manière continue dans le corps, ça, il le voit, mais il comprend pas du tout le rôle de l'oxygénisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on découvrira plus tard. Et puis par ailleurs, il y a une différence assez importante entre Descartes et Harvey, qui est assez intéressante, c'est que Descartes considère que le cœur a un rôle de, on pourrait dire, de chaudière. Donc il fonctionne un petit peu sur le modèle de la fermentation, et en fait, il doit envoyer dans le corps de la chaleur, qui va servir, disons, de l'énergie. Et il refuse catégoriquement l'interprétation de Harvey, et d'une manière générale, toutes les interprétations de ce type qui fonctionnent en termes de force. Donc pour Harvey, il y a une force du cœur, donc ce qui est quand même plus proche de la manière dont on verrait, c'est-à-dire qu'il y a, un rôle moteur du cœur. Et pour Descartes, c'est un rôle qui se rapproche d'un réservoir de fermentation, et c'est cette fermentation qui produit ensuite le mouvement qu'il envoie dans tout le corps. Donc voilà, il y a des choses qu'on a conservées. Cette erreur, elle est symptomatique en même temps de la physique même de Descartes, on va y venir dans un instant, qui peut-être ne pense pas précisément tout ce qui est la force, l'énergie qui permet d'expliquer un mouvement. Alors c'est surtout que Descartes, et c'est une des particularités de sa physique et de sa manière de penser, il refuse catégoriquement un modèle dans lequel on ferait référence, comme ça pouvait exister dans certains modèles scolastiques, à des forces occultes. Donc il veut pas qu'on explique le fait que l'opium fait dormir par la vertu dormitive de l'opium, pour reprendre un exemple célèbre. Et donc il se méfie des interprétations en termes de force, mais il faut bien voir que ce qu'on appelle force à l'époque, c'est souvent plus proche de cette vertu dormitive, même chez Harvey, même chez Kepler, que ça le sera bien plus tard. Et d'ailleurs, même une fois que Descartes sera mort et que Newton va édifier tout le système du monde sur le concept de force, les cartésiens vont être très hostiles à cette explication, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de force à distance, c'est un retour des qualités occultes. Donc c'est vrai que c'est assez typique de la démarche cartésienne, c'est-à-dire on veut expliquer les choses de manière mécanique, en expliquant comment on les engendre, mais on se méfie beaucoup des explications en termes de force. Et par exemple, c'est un des reproches que Descartes fait à Galilée. Il dit c'est très bien, il explique parfaitement le mécanisme de la pesanteur, mais il ne dit pas pourquoi il y a de la pesanteur. Donc ça, c'est chez Descartes, il y a toujours cette idée qu'il faut donner un fondement explicatif et que ce fondement explicatif doit jamais reposer sur des qualités occultes. Mais est-ce que c'est pas une limite de l'apport de Descartes à la physique? Ce que vous dites, est-ce que du coup on peut le prendre au sérieux ou est-ce que... Oui, non, c'est en un sens c'est une limite parce qu'on est à un moment où de toute façon les connaissances physiques sont encore en train de s'élaborer. Disons que c'est une pierre à l'édifice des connaissances physiques, anatomiques, médicales. Mais en même temps, les avancées que ça permet de faire, cette idée de décrire les choses d'une manière mécanique en partant des éléments et en essayant d'engendrer les différentes fonctions, alors en l'occurrence les fonctions corporelles, c'est aussi quelque chose qu'on a gardé. Alors comment expliquez-vous, parce que là je me mets à la place d'un lecteur qui ne connaît pas ces parties-là, le discours de la méthode, et qui vient nous entendre parler d'anatomie et de dissection, et même de physique, comment expliquez-vous l'importance, ou quelle est la place et l'importance de la médecine, on va venir à la physique dans un instant, dans la philosophie de Descartes, quel est le lien? Alors ça aussi c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que Descartes, jusqu'à la fin de son œuvre, insiste beaucoup sur le fait que pour lui, la philosophie, Alors à la philosophie, à l'époque, elle regroupe toutes sortes de choses, y compris la philosophie naturelle, donc la physique. La philosophie, pour Descartes, c'est quelque chose qui a une visée essentiellement pratique. Ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on voit Descartes justement à travers le doute méthodique, à travers les méditations métaphysiques, enfermé dans son poêle, en train de faire des résolutions, etc. Et on oublie que quand Descartes échange avec Elisabeth en 43, il lui dit « Vous savez, il faut passer quelques heures par jour à ce qui concerne l'imagination et très peu d'heures dans l'année à ce qui concerne l'entendement. » Et le reste du temps, eh bien, il faut vaquer à ses occupations. Et les occupations de Descartes, c'était précisément de l'anatomie, des recherches mécaniques ou des choses comme ça. Donc, chez Descartes, il y a vraiment cette idée que le but de la philosophie et le but des sciences, de ce qu'on appellera les sciences plus tard, c'est vraiment une visée pratique. Et c'est une visée pratique qui doit amener un accroissement du bien-être humain. Donc, la médecine est vraiment un élément absolument essentiel de ce dispositif avec la mécanique. Et avec aussi une visée pratique du côté de la morale, dont vous avez certainement parlé à propos de la troisième partie du discours. Oui. Ouais. Donc c'est cohérent pour Descartes d'insister autant sur la médecine et sur la physique parce que ce sont des parties intégrantes de ce qu'il appelle philosophie. Absolument, absolument. Et l'idée de Descartes, c'est qu'en fait, on doit s'intéresser à la métaphysique et à la physique parce qu'elles servent de fondement pour faire de la médecine et pour faire de la mécanique. Et ces fondements métaphysiques, il y tient beaucoup, cette dérivation. C'est ce qu'il raconte justement au début de la cinquième partie du discours. C'est-à-dire que s'il s'est engagé dans ce grand traité qui s'appelait Le Monde, eh bien c'est parce que il y a un certain nombre de fondements métaphysiques, des fondements clairs et distincts, selon sa méthode, qu'il faut absolument élucider. Et après, on peut dériver l'ensemble des phénomènes à partir de ces fondements. Mais en même temps, il insiste beaucoup, alors que ça soit dans la cinquième partie, mais surtout dans la sixième partie, sur le rôle des expériences. Et c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire il a fait des dissections, il a fait un certain nombre d'expériences physiques pour arriver à élaborer ses théories. Alors si on reprend le fil de cette cinquième partie, enfin même si on retourne au début, parce que la dissection arrive quelques pages après les descriptions physiques, très belles d'ailleurs je dois dire, pourquoi Descartes revient-il sur des ouvrages qu'il n'a pas pu publier en voulant restituer ses connaissances physiques? Que s'est-il passé? Vous avez dit, il a eu peur après la condamnation de Galilée de publier ses articles et voilà, ses livres. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Descartes, dans les années 30, est en Hollande et il s'engage dans l'idée de faire un grand système de philosophie naturelle. Il en parle avec des gens comme Mersenne et il dit, voilà, je vais écrire un grand traité du monde dont l'homme devait être le dernier chapitre. Et c'est à cet endroit qu'il y a toute la description anatomique. Et il s'engage dans cette entreprise sur laquelle il travaille assez assidûment pendant quelques années. Et puis là, paraît les dialogues sur les deux grands systèmes du monde de Galilée, en 1632. Et suite à l'apparition des dialogues de Galilée, arrive le fameux procès de Galilée et la condamnation de Galilée par l'Église. Et là, Descartes est très inquiet parce que précisément, c'était des thèses qu'il défendait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va expliquer. Alors, il y fait allusion au début de la cinquième partie en disant « Je ne peux pas publier ce traité ». Il n'explique pas pourquoi, à cet endroit. On le saura peut-être un petit peu plus tard. Mais je vais vous donner un résumé des thèses qui, on va dire, celles qui résistent en fait à la critique ou au danger d'hérésie. Et puis en fait, c'est au début de la sixième partie qui va expliquer que la raison pour laquelle il a pas divulgué ces thèses, c'est précisément, alors il ne cite pas le nom de Galilée, mais parce que il y avait un certain nombre de thèses qui avaient été condamnées par l'Église et qui, alors il dit, non pas que je crois avoir défendu des thèses hérétiques, mais je ne veux pas prendre le risque de me retrouver condamné sans avoir d'abord vérifié auprès des doctes que mes thèses sont conformes. Donc oui, ça, on ne sait pas si c'est un souci scientifique ou un souci religieux qui l'empêche de publier en réalité. C'est un petit peu des deux, certainement. Et d'ailleurs, toute la sixième partie, pour une grande part, est un long monologue où Descartes raconte ses affres pour savoir s'il allait publier ou pas, et quoi, et pourquoi publier finalement ce travail. Précisément, par rapport à cette difficulté qui est de le savoir, quand est-ce qu'on rend quelque chose public? Et la difficulté, évidemment, à l'époque, c'est que quand on rend quelque chose public, alors d'abord, on se met sur la scène, donc on va être critiqué, donc ça, Descartes en parle, et il dit, bon, genre, finalement, est-ce que c'est vraiment très utile d'être critiqué? Là, il y a des passages assez immodestes où il explique que, comme il est lui-même très critique vis-à-vis de lui-même, il espère pas beaucoup des objections des autres, donc ça, c'est dans la sixième partie, mais il y a évidemment le problème de l'hérésie, et le problème qu'on peut se retrouver parfois sur le bûcher, pour avoir des défendu un certain nombre de thèses, donc ça c'est évidemment quelque chose qui lui fait peur. Alors ça lui fait pas du tout peur au sens où il craint d'être malmené ou d'être mis en prison, mais ça lui fait vraiment authentiquement peur par sincère croyance religieuse. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout envie de défendre des thèses qui seraient condamnées par l'Église. C'est pas du tout dans son tempérament. Donc il va toujours avancer très prudemment. Et vous savez que c'était une de ses devises, larvatus pro deo. Alors voilà, on n'en a pas encore parlé cette semaine. Ouais. Alors heureusement que vous êtes là, David Rabouin. Larvatus pro deo, ça veut dire j'avance masqué. J'avance masqué, je ne me mets pas en avant. C'était sa devise. Ouais, c'était étrange pour celui qui recherche la vérité, qui veut la prêcher, la divulguer à tout le monde, il avance masqué. Voilà. Alors est-ce que l'anonymat avant Twitter. Est-ce que c'était sa devise? En fait, on n'en sait rien. C'est une phrase qu'il note dans un de ses journaux quand il est plus jeune. Mais c'est vrai que ce qu'on peut constater, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que Descartes, il est né en 1596, pardon. Le discours de la méthode, il l'a écrit en 1636, donc il a quand même 40 ans. Et ça veut dire que pendant 40 ans, il a rien publié, en fait. Il sait pas. Donc, j'avance masqué, c'est aussi quelque chose qui est lié à sa personnalité. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui cherche à vraiment se mettre en avant. C'est pas quelqu'un qui essaye de publier. Et il ne veut être un personnage public que dans la mesure où il est prêt à dire un certain nombre de choses. Donc, et ça, il l'explique très longuement dans la sixième partie du discours, parce que c'est quelqu'un qui est très soucieux de sa tranquillité. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte dans ce Larvatus pro deo, mais il y a quelque chose qui est très frappant dans son propre parcours, c'est la volonté d'être tranquille. C'est pour ça qu'il est parti en Hollande. C'est pour ça qu'il cherche toujours à fuir le monde et à fuir la compagnie des hommes, mais disons du beau monde. Et il y va toujours avec une certaine réticence. Donc ça fait partie de sa personnalité et ça s'accorde bien avec cet adage, Larvatus pro deo, qui explique aussi sa grande prudence dans sa stratégie de publication. Alors on va lui laisser la parole au début de la sixième partie. On ne fonctionne pas forcément de manière chronologique parce que ce que vous dites, ce sont des éléments de compréhension qui nous permettent d'aborder ensuite la cinquième et la sixième partie. Écoutez ce texte dans la voix de Thibaut de Montalembert et écoutez la dernière phrase qui a marqué les esprits, qui est beaucoup citée aujourd'hui en oubliant un terme, ce qui change absolument la position de Descartes par rapport à la nature, c'est évidemment la phrase « nous rendre comme maître et possesseur de la nature ». Écoutez. « Je n'ai jamais fait beaucoup d'état des choses qui venaient de mon esprit, et pendant que je n'ai recueilli d'autres fruits de la méthode dont je me sers, sinon que je me suis satisfait touchant quelques difficultés qui appartiennent aux sciences spéculatives, ou bien que j'ai tâché de régler mes mœurs par les raisons qu'elles m'enseignaient, je n'ai point cru être obligé d'en rien écrire. » Car, pour ce qui touche les mœurs, chacun abonde si fort en son sens qu'il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes, s'il était permis à d'autres qu'à ceux que Dieu a établis pour souverains sur ses peuples, ou bien auxquels il a donné assez de grâce et de zèle pour être prophètes, d'entreprendre d'y rien changer. Et bien que mes spéculations me plussent fort, j'ai cru que les autres en avaient aussi qui leur plaisaient peut-être davantage. Mais, sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous venez d'entendre un extrait de la sixième partie du discours de la méthode de René Descartes qui nous accompagne depuis lundi, aujourd'hui en compagnie du philosophe David Rabouin qui va nous aider à comprendre cette formule. David Rabouin, la pression est sur vos épaules, je compte sur vous parce que c'est en effet une phrase beaucoup citée. Descartes voudrait nous rendre maître et possesseur de la nature et c'est cohérent avec tout ce qu'on vient de dire depuis le début de la semaine. On met au point une méthode pour trouver la vérité, les sciences, eh bien cette méthode s'applique aux sciences, les sciences vont nous permettre de comprendre la nature, alors on pourra la dominer. Or, il n'en est rien. Enfin, j'ose le croire, David Rabouin. Disons en tout cas qu'il y a ce petit mot que vous avez anticipé tout à l'heure, comme maître et possesseur de la nature, qui change tout. Et évidemment, c'est une phrase qui a été beaucoup citée pour critiquer le grand projet rationaliste classique dont Descartes serait le prototype et qui aurait cette folie, cette hubris humaine de vouloir justement maîtriser toute la nature par la science. Mais on voit bien qu'en fait, la démarche de Descartes, c'est que justement, quand on lit tout l'extrait, on le voit mieux, oui. et la suite le montre aussi très bien, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit précisément d'indiquer la visée pratique de la philosophie, et la visée pratique de la philosophie de la nature et des sciences pour le bien-être humain. Donc, il est évident qu'ici, l'objectif n'est pas à tout prix de devenir maître de la nature et de saccager notre planète, comme parfois on le fait dire, justement, à cette phrase de Descartes, mais bien au contraire, et c'est la suite, le mentionne immédiatement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos du rôle de la médecine, il s'agit de, tout ça est orienté vers une connaissance qui doit améliorer notre santé. Oui, mais ça n'exclut pas de pouvoir détruire la nature. Ça n'exclut pas rien dans ce que vous dites ne sauve Descartes. S'il s'agit de maîtriser la nature pour améliorer notre santé, faisons-le. Ça, c'est vrai. Mais en fait, ce qui va sauver Descartes peut-être plus profondément, c'est sa méthode, justement. Oui. Alors ça n'apparaît pas nécessairement dans ce passage. Mais quand on lit l'ensemble des cinquième et sixième parties, ce qui est très frappant, c'est que Descartes a une image de philosophe dogmatique, qui justement fait dériver toute la science de la nature d'un certain nombre de principes métaphysiques. Et c'est vrai qu'il a défendu cette manière de faire, mais il dit aussi très souvent que parfois, quand on entre justement dans le détail des explications physiques, médicales, la richesse des expériences est beaucoup trop grande pour qu'on puisse faire ça, et dans ces cas, il faut, comme il dit, aller au-devant des causes par les effets. Donc il faut partir en fait des effets et remonter jusqu'aux causes, et donc ne plus partir de grands principes à ça. Et ça, c'est très important justement pour tempérer un petit peu la folie propre à cette phrase de se rendre maître et possesseur, parce que Descartes, c'est aussi un grand penseur, il le dit très souvent, du rôle des hypothèses. Donc c'est pas quelqu'un qui dit, voilà, on va faire une science physique qui va aller de l'avant et écraser tout sur son passage. On va faire un certain nombre d'hypothèses, et ces hypothèses, on va même les tester. Donc il y a des passages qui sont assez étonnants, dans cette sixième partie, et qu'on lit assez peu, qui viennent juste après, si je me souviens bien, oui. Ouais. Et dans lequel, en fait, Descartes décrit une méthode qui ressemble beaucoup à la méthode que Bacon décrivait avec les expériences cruciales. C'est-à-dire ? Donc il explique qu'en fait, on fait un certain nombre d'hypothèses, à partir de nos principes, bien sûr, mais on ne sait pas si ça colle avec les expériences, et donc on va devoir trouver un certain nombre d'expériences qui vont permettre de départager ce qui est vrai et ce qui est faux dans nos hypothèses, et puis une fois qu'on a fait ça, il reste encore d'autres hypothèses qu'il faut tester, donc il faut refaire des expériences plus précises pour à chaque fois préciser. Donc peut-être que c'est plus ça qui va le sauver, c'est-à-dire que la démarche que Descartes essaye de faire valoir, c'est vraiment une démarche qui est à l'origine de notre méthode scientifique, dans laquelle on essaye de faire dialoguer la théorie avec l'expérience. Et d'ailleurs, c'est un endroit où justement il est plus proche de nous que Bacon, parce que chez Bacon, il y a un rôle très très important du fait de collecter un certain nombre de faits, ce qu'il appelait l'histoire naturelle, qui chez Descartes n'est pas très important. Et chez Descartes, ce qui est vraiment le plus essentiel, c'est ce dialogue entre des hypothèses théoriques et des expériences qui vont permettre de les tester. Est-ce que c'est ce qu'il fait, par exemple, au tout début de la cinquième partie, lorsqu'il rapporte ce qu'il a écrit dans son traité sur le monde, et il imagine, alors, est-ce que c'est une hypothèse ou un exercice d'imagination, un monde, alors, où il, provisoirement, enlève Dieu, ce qui est quand même très très subversif, et il décrit l'apparition de la lumière, ce sont des pages très belles, on dirait presque un texte pré-socratique, hein, on est habitué à voir ce genre de description dans des textes plus antiques. Est-ce que c'est une forme d'hypothèse également ? Alors, bon, hypothèse, c'est moi qui ai utilisé ce mot, parce que le mot que Descartes préfère, c'est le mot de supposition. Et l'autre mot qu'il utilise assez souvent, c'est le mot d'imagination. Donc ça, c'est effectivement très surprenant, puisque quand on ouvre ce traité qu'il n'a finalement pas publié, Le Monde, ce traité s'ouvre par une fable. Donc ce même Descartes qui nous explique que tout doit être fondé sur des grands principes métaphysiques, qu'il y aura des lois, qu'on va dériver tout à partir d'un certain nombre de lois, eh bien, comme vous le racontez, en fait, quand on ouvre le traité, on se trouve face à une histoire, et cette histoire, c'est une petite genèse miniature, refaite par le philosophe, et donc en un sens effectivement très provocatrice, puisqu'on a enlevé Dieu. Et toute l'idée, c'est de se dire, ben voilà, si je pars de mes idées claires et distinctes, j'ai un certain nombre de notions élémentaires, j'ai de l'étendue géométrique, j'ai des rencontres entre des corps, est-ce que à partir de ces simples données, de ces simples hypothèses, je peux reproduire la totalité du monde? Et c'est ça que Descartes veut faire, il veut engendrer la totalité des phénomènes à partir du minimum de supposition. Donc il se prend pour Dieu. Il se met à la place de Dieu. Il se prend pas pour Dieu parce que, comme il explique très bien, alors ça, il va l'expliquer dans les principes de la philosophie, donc ça, c'est un traité qui viendra bien plus tard, en 1644. Il explique un moment qui est très beau et très intéressant, c'est dans le paragraphe 204 de la quatrième partie des principes de la philosophie. Il explique qu'en fait, la tâche du philosophe est de trouver un certain nombre de mécanismes, donc c'est ce qu'on a vu pour le cœur, c'est ce qu'on a vu pour la physique, il faut trouver des mécanismes, et la comparaison qu'il fait tout le temps, c'est celle avec une horloge. Mais là, il dit, attention, parce que si je vous montre une horloge, il peut y avoir plusieurs manières, plusieurs mécanismes derrière qui produisent le même effet, qui sont de montrer l'heure. Et là, il est très très explicite sur le fait que le philosophe pourra jamais savoir exactement quel est le mécanisme que Dieu a employé. Et il le dit absolument explicitement, parce que il peut y avoir plusieurs mécanismes qui produisent les mêmes effets. Donc, à nouveau, c'est une position qui est vraiment appuyée sur des suppositions, qui est totalement hypothétique et qui est satisfaite à partir du moment où elle a trouvé un mécanisme causal, parce que c'est ça, la bonne méthode, c'est comme ça qu'on dérive les phénomènes, et il dit à plusieurs fois qu'en fait ça lui suffit, c'est ça qu'on doit avoir trouvé. Mais si ce mécanisme n'a pas été employé par Dieu, ben ce n'est pas grave, parce que ça veut simplement dire qu'on ne peut pas pénétrer les raisons divines, et c'est là où justement il reste profondément croyant et profondément attaché à la transcendance divine. Pour Descartes, Dieu crée les vérités, y compris scientifiques. Oui. Et il peut à tout moment, parce que sa liberté est infinie, changer ces vérités-là et décider du jour au lendemain que 2 et 2 feront 5 et non plus 4. Voilà, donc ça c'est une des thèses qui est très célèbre, qu'il expose au père Mersenne en 1630, qu'on appelle parfois la thèse de la création des vérités éternelles, qui est une thèse assez radicale, puisque la transcendance divine s'exprime au point que Dieu peut changer les vérités, même les vérités éternelles, donc même les vérités mathématiques. Et nous n'avons aucun moyen de contrôler ou de savoir s'il le fait. Et quand il s'objecte à lui-même dans une de ses lettres, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, il dit, bah, précisément, c'est exactement ça, la transcendance divine, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est un pouvoir qui est tellement transcendant qu'il peut changer des choses, même si on n'arrive pas à comprendre ce que ça voudrait dire. Donc on voit que derrière ce dogmatisme et toutes ces accusations qu'on a pu faire porter à Descartes, il reste toujours ce fond qui pour Descartes est le plus important, qui est d'abord celui du doute, qui est absolument fondamental, et d'autre part, derrière cette immodestie de la pensée, eh bien, il y a cette modestie très très sincère du philosophe croyant, parce que Descartes était quand même croyant. Un des objectifs des méditations métaphysiques, ça sera bien de produire une démonstration de l'existence de Dieu, et donc du philosophe croyant qui ne pousse jamais ses explications au point de dire qu'il sait les choses aussi bien que Dieu les sait. C'est la grande différence avec Leibniz, car le Dieu leibnizien est soumis à la logique et à la rationalité scientifique, absolument, au principe de raison suffisante. Absolument. Pour Leibniz, les vérités éternelles sont quelque chose que Dieu pense exactement comme nous, parce que Dieu a un entendement qui fonctionne avec la logique de la non-contradiction, et donc si quelque chose est contradictoire pour nous, il est contradictoire pour Dieu. Alors que pour Descartes, pas du tout. Et justement, dans les échanges avec Mersenne, il y a un certain nombre de passages qui sont très intéressants, où ils abordent la question de ce qu'on appellerait aujourd'hui les paradoxes de l'infini. Est-ce que un nombre infini est pair ou impair? Bon, a priori, on ne sait pas, ça ne veut rien dire, puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'un nombre infini. Et Descartes, il dit, on ne peut pas rentrer dans ces discussions, précisément parce qu'elles touchent à l'infini, et que ce territoire-là, il est réservé précisément à Dieu et aux questions qui touchent à Dieu. Et évidemment, Leibniz, c'est complètement à l'opposé, puisque toute l'idée, c'est d'étendre notre savoir pour arriver à capturer autant qu'on peut l'infini. C'est l'ambivalence du projet cartésien. D'un côté, ce que vous dites limite quand même l'application de sa méthode de manière universelle, puisque en dernier lieu, Descartes ne peut pas se mettre à la place de Dieu, donc ne sait jamais si la physique qu'il propose est absolument cohérente et vraie de toute éternité. Et en même temps, c'est ce qui fait que son projet peut-être proprement philosophique, parce qu'il prend en compte la limite de notre entendement humain, et donc il propose une méthode et une philosophie à hauteur d'homme. Bah oui, c'est une des raisons pour lesquelles une des multiples raisons pour lesquelles Descartes a été érigé en héros de notre modernité philosophique, parce que c'est aussi un penseur de la finitude humaine. C'est aussi un penseur de la finitude humaine. Et donc, dans ce trio des grands philosophes rationalistes classiques où il y aurait Descartes, Leibniz et Spinoza, il a une position tout à fait à part par rapport aux autres. Et c'est sûr que son rationalisme est beaucoup plus tempéré, beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut trouver chez d'autres auteurs de l'époque. Alors là où il est peut-être moins tempéré, moins nuancé, où ça a encore suscité énormément... Alors de malentendus ou pas, peut-être de bonnes lectures, mais qui sont aujourd'hui assez choquantes, c'est lorsqu'il parle de la différence entre l'homme et l'animal. Tu es prêt ? Prêt à quoi ? Eh bien, à retrouver cet ours. Je sais ce que tu éprouves, mais tuer un ours, ce n'est pas bien. Un ours, ça ne réfléchit pas, ça n'a pas de sentiment, un ours, c'est... Ce n'est pas en tuant un ours que l'on devient un homme. Ah, tu joues les sages à présent, Kinaï. Ne contrarie pas les esprits. Les esprits. Merci pour ta sagesse. S'il y avait de telles machines qui eussent les organes et la figure extérieure d'un singe ou de quelque autre animal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnaître qu'elles ne seraient pas en tout de même nature que ces animaux. Au lieu que, s'il y en avait qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos actions que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela de vrais hommes. Dont le premier est que jamais elles ne pourraient user de paroles ni d'autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Et le second est que, bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien, ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître la différence qu'il y a entre les hommes et les bêtes. Car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide, sans en excepter même les insensés, qui ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. Et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être qui fasse le semblable. C'est le lot commun de philosophes beaucoup lus, David Rabouin. Alors pas trop lus, mais beaucoup lus, beaucoup étudiés, c'est qu'il laisse à la postérité des affirmations qui parfois ne sont pas absolument justes. En tout cas, le texte que je viens de lire, qui est extrait de la cinquième partie du discours de la méthode, a été baptisé ensuite le texte de l'animal-machine. Car Descartes semble comparer l'animal à une machine. Et je dois dire que les autres textes où il parle des animaux ne sont pas en sa faveur, puisqu'il semble encore pire dans d'autres lettres au père Mersenne. Alors là aussi, est-ce qu'on sauve Descartes ou est-ce que décidément, ce n'est pas un ami de l'animalité ? Alors Descartes avait un chien. Le Gratte, je crois qu'il s'appelait. On le sait par Bayet. Donc il ne faut pas inférer de ces textes un certain comportement avec les animaux. En fait, on n'en sait rien. Et la thèse des animaux-machines, à nouveau, elle prend sens dans un contexte qu'on a rappelé tout à l'heure, qui est vraiment celui des descriptions anatomiques et de l'idée que je peux décrire un corps. D'ailleurs, il faut bien comprendre que quand la thèse des animaux-machines s'applique aux êtres humains en tant qu'ils sont animaux, c'est-à-dire en tant qu'ils ont un corps. Donc en fait, la thèse qui est derrière, c'est que le corps animal fonctionne comme une machine. Alors ici, il y a deux choses qu'il faut certainement rappeler. D'abord, on est à l'époque des automates, on est à l'époque de Vaucanson, et donc on est à un moment où effectivement, pour la première fois, on a des machines qui se meuvent elles-mêmes, et qui commencent à ressembler à des êtres humains, qui jouent aux échecs, qui font des choses comme ça. De ce point de vue, la thèse de Descartes n'est certainement pas une thèse dépassée. C'est une thèse qu'on discute encore beaucoup aujourd'hui, mais sous une forme un peu différente, qui est de savoir, est-ce qu'une machine peut reproduire le comportement d'un être humain ? Donc Descartes, on se pose déjà la question à cette époque. Il cite les automates, et en fait, la question qu'il pose à propos des animaux, c'est une question en fait qui se pose justement aux animaux machines. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est une question qui est tout à fait pertinente. Descartes dirait non, et il donnerait comme critère, vous avez lu le passage tout à l'heure, que ce qui va distinguer un automate et un être humain, eh bien, c'est d'une part la parole. Alors, la parole au sens du discours, il insiste beaucoup là-dessus, puisqu'il y a des animaux qui ont des choses qui ressemblent à la parole. Il cite les perroquets, des choses comme ça, mais il faut que ça soit un discours sensé. Et il y a un deuxième critère qui est la capacité à être multitâche, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que les êtres humains, ils peuvent faire plusieurs choses, alors que en général, les animaux ou les machines ne peuvent faire qu'un certain nombre de choses. Alors ça, c'est une thèse qui est très ancienne, qui remonte à Platon, que quand les dieux ont distribué les qualités aux différents animaux, ils ont donné à l'homme ni griffes, ni pelage, ni choses pour se défendre, mais ils lui ont donné cette qualité de pouvoir faire tout, qui lui a permis de faire la technique. Donc ça, c'est deux mythe de Prométhée, oui. Voilà, c'est deux critères que Descartes a choisi de mettre en avant pour distinguer les hommes, alors pour lui, des animaux, mais qui sont encore d'actualité dans la discussion autour du rapport entre, disons, être pensant et machine. Et quand vous regardez le test de Turing ou des choses comme ça, ça repose précisément sur la capacité qu'on imagine ou même les discussions actuelles sur l'intelligence artificielle, qu'on imagine qu'une machine pourrait avoir en termes de discours. C'est toujours comme ça qu'on va tester les choses. Donc de ce point de vue, c'est pas si dépassé. Non, simplement le fait de dire qu'on juge un être humain à sa capacité à parler, que faire d'un homme qui n'est pas doté du langage, il n'est pas moins homme pour autant. Alors il cite en fait ces exemples. Descartes cite ces exemples et d'ailleurs, si vous relisez le passage, en fait, il dit la parole ou l'usage des signes. Parce qu'on est aussi à l'époque où on crée le langage des signes pour les sourds-muets, avec l'abbé de l'épée. Et Descartes est parfaitement au courant de tout ça. Donc ce qui lui l'intéresse, c'est vraiment, c'est pas la parole en tant que telle, c'est la capacité à communiquer. Sa capacité à communiquer. Alors là, évidemment, on pourrait avoir toutes sortes de critiques qui seraient le fait qu'on sait bien aujourd'hui que les animaux peuvent communiquer. Mais ça lui est complètement inaccessible. Mais donc, il cite, en fait, les êtres humains qui ne sont pas doués de parole, et il cite aussi les êtres humains qui sont fous ou qui sont insensés. Donc, et il dit, même le plus insensé pourra toujours discourir d'une manière dont on peut reconstituer une forme de cohérence, ce qui est la cohérence de la folie. En fait, on reconnaît la folie. Et ça, il dénie le fait qu'on puisse trouver ça chez les animaux, une forme de communication dans laquelle on pourrait reproduire ça. Après, l'autre endroit où cette thèse, elle est encore... Alors, je ne sais pas si elle est d'actualité, mais en tout cas, elle est encore très discutée. C'est parce que ce qu'il y a derrière cette thèse, l'aspect le plus célèbre, le plus connu, c'est évidemment la question du dualisme. Donc, pour la raison pour laquelle Descartes considère que les animaux sont comme des machines ou comme des automates, c'est pas tant parce qu'il méprise les animaux ou parce qu'il veut les dévaluer, que parce qu'il veut établir une claire distinction entre l'âme et le corps, chez l'être humain. C'est ça qu'il veut faire. Et il veut absolument se débarrasser d'un modèle qui existait dans la philosophie aristotélicienne, dans lequel il y avait toutes sortes d'âmes, et notamment des âmes végétatives ou des choses comme ça, qui étaient logées dans le corps, et on distinguait toutes sortes de niveaux d'âmes qui nous faisaient passer du corps aux esprits, à la raison développée. Donc ça, il est vraiment tout à fait opposé à ça, et il pense qu'il y a d'un côté quelque chose qui est l'esprit, qui est l'âme, qui est immortel pour lui, dont on peut démontrer l'immortalité, et de l'autre, le corps, qui fonctionne comme une machine. Donc la thèse des animaux-machines, elle prend place à l'intérieur de cette thèse philosophique beaucoup plus profonde et beaucoup plus ontologique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'entités radicalement différentes. Mais après, il faut faire un petit peu attention aussi sur la question du dualisme, parce que Descartes, c'est aussi le penseur de l'union de l'âme et du corps. Et il insiste beaucoup là-dessus, et il en parle justement à la fin de la sixième partie, parce qu'il dit, attention, et ça c'est un passage qui est souvent cité à contre-emploi, il dit que l'âme n'est pas comme un pilote dans un navire. Des fois, on dit qu'elle est comme un pilote dans un navire, donc on dit l'inverse de ce que Descartes dit, et précisément parce qu'elle est tellement unie au corps, que ça va produire un certain nombre de sentiments, de choses comme ça. Et c'est là où on voit la limite du modèle, parce que en fait, ce que dénie Descartes aux animaux, c'est surtout la possibilité d'éprouver des sentiments. C'est vraiment ça qui est absolument impossible pour lui, précisément parce que les animaux n'ont pas d'âme. Oui, il va même jusqu'à dire dans une lettre au père Mersenne du 18 mars 1630 « Je juge que si on avait fouetté un chien 5 ou 6 fois au son du violon, sitôt qu'il ouïrait une autre fois cette musique, il commencerait à crier et à s'enfuir. » Sous-entendu, en fait, c'est un réflexe chez lui, plus qu'un sentiment. Oui. Il a une thèse très radicale sur le fait que l'affectivité est quelque chose qui ne concerne pas les animaux, de manière générale, et parce que ce domaine-là, des affects et des sentiments, est lié à l'union de l'âme et du corps. Donc il y a tout ce qui ressemble à ça chez les animaux est purement mécanique, et s'explique de manière purement mécanique, et de l'ordre des réflexes. Mais à nouveau, il faut voir la fécondité de ces thèses, et on voit, nous, peut-être l'aspect un peu, disons, discutable par rapport à nos connaissances actuelles. Mais il faut voir que ce sont ces mêmes thèses qui ont permis de faire avancer énormément la connaissance du fonctionnement anatomique des animaux, la connaissance précisément du fonctionnement réflexe des animaux. L'exemple du violon ressemble beaucoup aux exemples qu'utilisera Pavlov plus tard pour montrer précisément la fonction réflexe chez le chien. Sauf que là, c'est un foulard rouge, c'est pas le son du violon. Et donc, il y a toute une fécondité scientifique, en fait, de ces hypothèses qui font que traiter le corps comme une machine, et même jusqu'à aujourd'hui, traiter le corps comme un mécanisme, eh bien, ça permet d'avoir un modèle explicatif qui peut être extrêmement fécond d'un point de vue scientifique. Après, on va essayer de le faire évoluer et de le faire s'enrichir, mais ça a été, disons, une étape importante dans la connaissance anatomique. Dans l'actualité ou la pertinence encore aujourd'hui des problèmes soulevés par Descartes, on trouve par exemple ceci. Engineer waste disposal. File section, new employee, 6 days. Calling Mr. Weber. Please report to zone A for ID check. Sit down. Je peux parler? Les tests, ça me rend nerveux. S'il vous plaît, ne bougez pas. On m'a déjà fait un QI cette année, mais j'ai jamais fait ce genre. Le temps de réaction est important dans ce test, alors concentrez-vous et répondez aussi vite que vous pourrez. Vous êtes dans un désert. Vous marchez dans le sable quand tout à coup vous voyez... Mais lequel ? Pardon. Quel désert ? Ça n'a aucune importance, c'est purement hypothétique. Mais pourquoi je me retrouverai là ? Vous en avez marre de la civilisation, vous avez envie d'être un peu seul, qui sait ? Tout à coup vous voyez un Kélonien, Léon, qui rampe vers vous. Un Kélonien ? C'est quoi ça ? Vous savez ce que c'est qu'une tortue ? Bien sûr. C'est pareil. Vous retournez cet animal sur le dos d'un geste brusque, Léon. C'est vous qui trouvez ces questions, Monsieur Holden ? Où on les rédige pour vous. La tortue gît sur sa carapace, le ventre brûlant sous le soleil, battant des pattes pour essayer de se retourner, mais elle ne peut pas. Pas sans votre aide, mais vous ne l'aidez pas. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne l'aide pas ? Ça veut dire que vous ne l'aidez pas. Pourquoi ça, Léon ? Ce sont juste des questions, Léon. Et pour répondre à la vôtre, oui, on les rédige pour moi. C'est un test fait pour provoquer une réponse émotionnelle. Est-ce qu'on peut continuer ? Décrivez en mots simples uniquement les choses agréables qui vous viennent à l'esprit. Au sujet de votre mère ? Ma mère ? Oui. Je vais vous en parler de ma mère. Vous écoutez Blade Runner sur France Culture, les chemins de la philosophie. Comment Ridley Scott nous aide-t-il à comprendre Descartes, David Rabouin, ou peut-être à montrer que le problème que soulève Descartes entre la différence entre l'homme et l'animal et l'utilité de considérer comme machine ce corps que nous avons, ben finalement, soulève des questions qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Puisque là, dans l'extrait, il s'agit de savoir qui est un homme, qui est un réplicant. Et en fait, on n'y arrive pas vraiment. Oui, ben ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une des actualités de la thèse des animaux machines, c'est plutôt le côté machine, finalement, que le côté animal. C'est-à-dire que on commence à faire des machines qui sont tellement intelligentes que se repose la question de savoir qu'est-ce qui va les distinguer des êtres humains. Et cette question, elle suppose qu'on ait des tests. Donc ça, c'était une question qui préoccupait déjà Turing, hein, quand il a réfléchi à ces questions-là. Et il est très troublant de voir que les tests qu'on imagine, donc là, cette scène de Blade Runner, elle est inspirée de Turing, eh bien, c'est des tests qui sont fondés sur la parole. Et sur le sentiment. Il essaie de voir si la personne aura des sentiments. Et sur le sentiment. C'est un fait cartésien. Et tout, évidemment, tout Blade Runner tourne autour de cette question de savoir si ces réplicants, qui sont des robots, peuvent avoir des sentiments ou pas. La réponse étant plutôt oui. Ce qui démentirait alors Descartes. Ouais. Mais la question de savoir de ce qui peut distinguer, ce qui fait qu'un être humain est un être humain et ce qui le distingue d'un faux être humain ou d'une machine, tout le monde ne se l'est pas posé. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui arrive avec Descartes quand il écrit ce texte. Vous avez dit que c'était contemporain de l'invention des automates, mais au-delà de ça, il y a ce doute que Descartes jette sur son existence, sur le monde, mais aussi peut-être sur l'authenticité de ce que c'est qu'un être humain. Alors c'est vrai, il y a un aspect quand même qui est un aspect d'époque, c'est-à-dire qu'on est à l'époque des automates, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais pas seulement des automates qui ressemblent à des êtres vivants, mais aussi des grandes horloges astronomiques qui font toutes sortes d'exploits, comme celle de Strasbourg, qu'on peut encore admirer. Et on est à une période aussi où l'avancée technologique produit des machines de plus en plus impressionnantes, même si elles sont pas automates, c'est-à-dire reproduisant elles-mêmes leurs mouvements. On est à l'époque du télescope, on est à l'époque du microscope. Donc il y a énormément d'avancées technologiques qui font que on va trouver ces modèles de machines un peu partout dans la philosophie de l'époque, et elle accompagne un mouvement qui n'est pas présent seulement chez Descartes, qui est celui précisément de la mécanisation de la nature, de voir la nature comme un grand mécanisme. Après, c'est vrai que Descartes, il a cette approche de la question qu'on voit bien dans le moment du doute et surtout dans les méditations métaphysiques où voilà, il y a cette idée qu'il y a des gens qui passent dans la rue, comment est-ce que je sais que ce sont des vraies personnes. Il décrit les chapeaux qui marchent sous ses yeux. Il ne sait pas que c'est des humains derrière les chapeaux. Est-ce que c'est des humains ou est-ce que c'est... Donc là, il y a un aspect qui est plus propre à Descartes et qui finalement est cette question de savoir comment je peux accéder à la subjectivité de l'autre. Et c'est ça qui va rester dans la tradition cartésienne jusqu'à Husserl. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai acquis, moi, tout seul, par le doute, la certitude que je pensais, il reste encore la question de savoir comment je peux avoir accès à l'autre qui pense. D'autant que sa propre subjectivité, eh bien, il essaye sans doute de la fonder par l'écriture. On en parlait hier avec Jean-Luc Marion, mais à la toute fin du texte, du discours de la méthode, puisqu'il va être l'heure de refermer le livre après l'avoir lu jusqu'au bout. La sixième partie s'appelle « Quelles raisons l'ont fait écrire ?» à la troisième personne. Et le texte se termine comme ceci. Il écrit « Au reste, je ne veux point parler ici en particulier des progrès que j'ai espérance de faire à l'avenir dans les sciences, ni m'engager envers le public d'aucune promesse que je ne sois pas assuré d'accomplir. » Mais je dirais seulement que j'ai résolu de n'employer le temps qui me reste à vivre à autre chose qu'à tâcher d'acquérir quelques connaissances de la nature qui soient telles qu'on en puisse tirer des règles pour la médecine, plus assurées que celles qu'on a eues jusqu'à présent. Et que mon inclination m'éloigne si fort de toutes sortes d'autres desseins, principalement de ceux qui ne sauraient être utiles aux uns qu'en nuisant aux autres, que si quelques occasions me contraignaient de m'y employer, je ne crois point que je fusse capable d'y réussir. » C'est les phrases cartésiennes qui annonce les phrases de Proust. Le projet, en tout cas, est clair. Il dit très bien de quoi il veut parler, de ce dont il ne veut pas parler. Son souci premier, c'est peut-être de vivre mieux, mais c'est aussi d'apporter des progrès dans les sciences. Alors, la sixième partie est intéressante de ce point de vue parce que il y a tout un passage, justement, il raconte les circonstances un peu plus précisément dans lequel il a pas publié finalement ce grand traité scientifique, sa grande œuvre scientifique qui était Le Monde et le traité de l'homme. Mais il y a aussi tout cet aspect qui va beaucoup l'occuper dans cette partie dans laquelle il s'interroge sur la question de savoir, mais alors pourquoi publier? Pourquoi publier? Pourquoi écrire? Pourquoi rendre public ce qu'on écrit? Il le dit à la fin, c'est ça qui est et c'est très intéressant parce qu'il va avancer des arguments et des contre-arguments dans une sorte de dialogue assez dont on voit que ça l'a beaucoup préoccupé, qui est cette manière dont il est lui-même torturé entre le fait que s'il se met en avant, eh bien, il va être critiqué, il va sortir de sa paix, de son équilibre, il va pas pouvoir s'occuper à ceux dont il voudrait s'occuper et que vous avez rappelé dans la citation, c'est-à-dire faire des expériences, faire progresser la médecine, faire progresser sa connaissance du monde. Mais d'un autre côté, s'il publie pas, alors là, il y a un certain nombre d'objections qui va se faire. Alors la première, c'est que s'il publie pas, eh bien, il pourra pas entendre un certain nombre de critiques. Donc on rappelait ça tout à l'heure, il dit oui, mais ça c'est pas très important parce que je pense que je suis le mieux à même de me critiquer. Mais il va surtout expliquer qu'il y a une raison très profonde pour laquelle il doit publier. C'est que il faut que... Alors il y en a deux, en fait, qui l'expliquent. La première, c'est qu'il veut pas laisser penser qu'il publie pas parce qu'il a pas trouvé de grandes choses. Ça, il le dit quand même, ça c'est l'immodestie de Descartes. Et qu'il voudrait pas qu'on pense que s'il s'est retenu, c'est parce qu'il avait connu un échec. Donc ça c'est la première raison, disons plutôt personnelle. Mais il y a une deuxième raison qui est peut-être plus frappante, c'est que il veut absolument pouvoir léguer son travail parce qu'il est persuadé, et il s'en explique dans plusieurs passages, il est persuadé du fait qu'on ne pourra pas faire progresser la science tout seul, que c'est une entreprise collective à cause de l'importance qu'ont les expériences. Et là, à nouveau, on retrouve ce Descartes dont on parle peut-être moins, en tout cas dans le grand public, qui est un Descartes qui non seulement est un Descartes scientifique, mais un Descartes expérimentateur, et un Descartes qui voit bien que ce travail de la méthode expérimentale, c'est un travail collectif. Et donc, on n'est plus du tout dans le Descartes enfermé dans son poêle, en train de douter de tout et d'avoir un certain nombre de résolutions très radicales ou de voir reconquérir le monde à partir de sa seule pensée. On est avec un Descartes qui est complètement immergé dans une pratique scientifique qui se trouve être une pratique scientifique collective. Et il insiste, et c'est quand même pas anodin que ce soit à la fin du livre, non seulement qu'il explique pourquoi il publie ce livre, il aurait pu le faire au départ, mais surtout que ce texte qui finalement est fondateur d'un certain jeu, J-E en philosophie, eh bien a vocation quand même à rejoindre d'autres personnes et à produire un travail collectif. Oui, alors l'aspect qui le préoccupe le plus, c'est vraiment la capacité à produire un certain nombre de sciences, parce qu'il faut quand même dire qu'à l'époque, c'est pas facile de monter des expériences scientifiques, ça coûte de l'argent. Descartes avait un peu d'argent, contrairement à la plupart des philosophes de cette époque, il venait de la petite noblesse. On avait peut-être parlé dans les émissions précédentes, mais il n'en avait pas tant que ça, et ça devient rapidement coûteux. Et donc, il est déjà très sensible à une problématique actuelle, c'est-à-dire, si on veut faire de la science, il faut faire des expériences. Les expériences, ça coûte de l'argent, donc ça va être une entreprise collective qui demande des financements, qui demande des gens qui sont prêts à s'y investir, y compris dans des tâches qui sont des tâches subordonnées. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il y a vraiment une direction qui est orientée vers un avenir scientifique qui va se développer de plus en plus dans les siècles qui suivent. Et effectivement, la postérité de Descartes vous donne raison et surtout lui donne raison. Merci David Rabouin d'être venu terminer cette lecture du discours de la méthode. Merci aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation. D'avoir insisté sur ce Descartes scientifique qu'on connaît moins. On avait commencé avec une opération du cœur, on se quitte toujours avec le cœur. Aïe mon cœur, c'est Dalida. Deux amoureux marchaient le long du mois de mai sous un soleil léger comme un brin de muguet. Les oiseaux du ciel en chavirant des ailes donnaient un bal autour de leur amour. Et le soleil tout là-haut disait « Aïe mon cœur, la farandole des oiseaux chantait. Aïe mon cœur, les amours. » Le jour tombait sur eux, les fleurs s'ouvraient pour eux, les arbres se penchaient pour les voir de plus près. Un petit bal se mit à briller dans la nuit, alors ils ont couru à cœur perdu. Et les étoiles en passant disaient « Aïe mon cœur, les musiciens ont joué, ont chanté, aïe mon cœur, les petits bals du printemps. » Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors quel est le rapport entre Giacometti, la colonisation, l'absolu et André Gortz? Eh bien, c'est pas mal, mais il y a encore d'autres sujets. Eh bien, le rapport, c'est tout simplement Jean-Paul Sartre. Tous ces sujets, il les a abordés dans ses situations. Texte publié entre 1947 et 1976, chaque situation, et il y en a 10, se présente comme un recueil d'articles écrits par le philosophe et rassemblés par période. Depuis 2010, Arlette Elkaïm Sartre a entrepris de rééditer ses recueils, dont le cinquième est paru en décembre dernier. À la fois épars dans le temps et dans les sujets, tous ces textes ont pourtant une idée commune, celle, comme le titre l'indique, de situation. Concept incontournable chez Sartre. Que faut-il entendre par là? Comment Sartre définissait-il ce terme? Et par là même, ses textes, leur portée et même la voix du philosophe dans l'espace public. Lorsqu'on me demande, monsieur, êtes-vous un comédien engagé ou êtes-vous un chanteur, puisqu'il paraît que je suis chanteur engagé, je réponds ce que j'ai toujours envie de répondre, mais je ne savais pas formuler, et que Sartre a très bien formulé pour moi, pour nous, qui ne l'est pas. Que l'on chante mon cul sur la commode ou Boris Vian, on est engagé d'une façon ou d'une autre. Et c'est beaucoup plus grave, finalement, que de s'embarquer dans les vulgarités. C'est un engagement très très important. Vous avez reconnu cette voix, Adèle? Pas du tout. Eh bien, c'est Serge Reggiani. Tiens donc, grand lecteur je crois que je n'avais jamais entendu de sa Sartre. Voix. Et ils sont beaucoup, artistes ou intellectuels comme lui, à avoir été influencés par Sartre et son idée d'engagement. Et engagé signifie alors deux choses, être engagé dans un contexte historique, social, politique et économique, mais aussi s'y engager dans un certain sens, c'est-à-dire y prendre position, s'y situer, d'où ce lien assez évident entre engagement et situation. Dans le vocabulaire de Sartre, l'engagement se définit en effet comme, je cite, l'attitude de l'individu qui prend conscience de sa responsabilité totale face à sa situation et décide d'agir pour la modifier ou la dénoncer. Quand Sartre écrit sur son époque, à travers ses articles, conférences et critiques, entre autres, il n'écrit donc pas seulement sur une situation à laquelle il assiste, dont il serait seulement spectateur, il prétend d'emblée y être engagé et s'y engager. Mais pourquoi ? En quoi appartenir à une époque et s'en faire le spectateur, qu'il s'agisse de peinture ou de guerre, présuppose-t-il forcément de prendre position ? Peut-on être engagé de fait dans une situation sans prendre un engagement ? Si on commençait par lire L'être et le néant, de là, Saint et Martyr, et puis La critique de raison de l'éthique et le Flaubert, on trouverait toutes les raisons qui m'ont fait que je suis passé de ce qu'on appelle l'existentialisme au marxisme, sans renoncer d'ailleurs à mes idées, en voyant qu'on peut les mettre en liaison avec ça, et de là, ensuite, par des études d'individus comme Flaubert, ou Genet, ou Baudelaire, comment je les ai rendues plus concrètes, et comment aujourd'hui, après une marche pendant quelque temps en liaison avec le Parti communiste, j'estime être, avec mes camarades, plus loin que le Parti communiste. Les situations de Sartre se penchent sur trois types d'objets. Pour le résumer très grossièrement, il y a les textes sur l'art, des artistes au genre artistique. On trouve par exemple des réflexions sur Faulkner, Cartier-Bresson ou Les Mobiles de Calder. Les textes sur la politique, réaction à un événement ou considération globale d'un mouvement, de l'occupation en France à la guerre d'Algérie. Et enfin, des impressions sur les mœurs étrangères. New York, par exemple, dans Situation 2, où il y décrit autant le conformisme que les bars de New York. En cela, Sartre explore bien le concept de situation et ce lien entre idées et idéologie. Parce qu'il est engagé de fait dans une situation, mais aussi parce qu'il s'y engage, il dévoile le monde du point de vue de sa propre conscience. Mais à qui peut-il bien parler et par qui peut-il être entendu ? Cette thèse d'écriture engagée en situation n'enferme-t-elle pas la parole de Sartre et de tout auteur d'ailleurs dans son époque ? Si l'on est obligé à la prise de position, peut-on encore parler à tous ? Moi, il y a une question que je voudrais poser encore. Comment pensez-vous que vous auriez réagi si la nausée avait été définitivement refusée ? Je ne sais pas, c'est très difficile de dire ce que c'est que d'être publié, d'ailleurs. Parce que j'aurais pu aussi être publié et que personne n'en parle. Ça arrive, ça. Oui. Nous avons des amis à qui c'est arrivé, ils publient des livres et ils ne sont pas achetés ou on n'en parle pas. Et cela aussi, c'est attristant. Alors vous me direz pourquoi ? Parce que, au fond, moi en tout cas, certainement d'autres non, mais moi je casse sûrement aussi. Nous écrivons pour les gens. Ce n'est pas que nous voulons leur apporter un bienfait, ce n'est pas que nous voulons leur révéler un secret, mais nous voulons communiquer avec eux. Peut-on dissocier être engagé malgré soi et s'engager de soi-même, contexte et situation, et pourquoi ? Eh bien pour Sartre, non, et la réponse se trouve justement dans une des situations les plus connues, situation 3, qu'est-ce que la littérature ? Dans ce troisième volume, il soulève trois questions, qu'est-ce qu'écrire ? Pourquoi écrire ? Pour qui écrit-on ? Et il répond avec l'idée justement de communication d'un message d'un auteur à ses lecteurs. Ce qui passe à travers l'écriture, c'est en effet, je cite, que l'écrivain a choisi de dévoiler le monde, et singulièrement l'homme aux autres hommes, pour que ceux-ci prennent en face de l'objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité. La situation comme lieu d'engagement, d'écriture, de communication et de responsabilité, tout cela tend ainsi à faire du philosophe un porte-parole et même à l'y condamner. Reste alors cette question actuelle, peut-on écrire ailleurs qu'en situation ? Comment assumer l'engagement de ne pas se situer sans être, comme le pensait Sartre, de mauvaise foi ou lâche ? Merci Géraldine. Donc vous nous conseillez la lecture de ces situations 5. Situation 5, sortie en décembre dernier, puis 1, 2, 3, 4 déjà parus, et puis on attend les 5 autres. Eh ben oui, avec impatience. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Mathieu Tarpin qui m'a aidé à préparer cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jean-Guilain Meige à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes cartésiens. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi, profession philosophe. C'est la formule du vendredi qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie d'Isabelle que valent. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que cette série sur le discours de la méthode, rien n'est plus simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, pas besoin de méthode, hein, c'est très clair, sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Tout est dit, on se retrouve demain à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.